compris. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Tout le monde a compris la règle de la dernière fois ou est-ce qu'il y avait un ishkal encore? Hein? Pardon. On peut répéter les quatre points, lesquels? De la dernière règle ou de l'avant-dernière règle? De la dernière règle. طيب. Alors. Au niveau de la traduction, étant donné qu'il ne faut pas faire trop d'erreurs, et c'est un sujet qui est un peu délicat, tu vois, donc tiens, tu l'as, c'est bon. Khalas, akra. Et tu me dis ce que tu n'as pas compris, inshallah ta'ala. Ça, on l'a vu, ça. C'était celle-là, la règle? Elle a commencé par ça, parce que l'autre aussi, c'était pareil. Non? Si, c'était la deuxième, celle-là. Ça, c'est la deuxième. Vas-y, continue. Les mots d'Allah sont tellement propres du fait qu'ils désignent un être, et ce sont des qualificatifs du fait des significations qu'ils dénotent. Dans le cas du nom propre, les mots d'Allah sont synonymes, car ils indiquent le même nommé qui est par Allah. Synonyme dans le sens que c'est le même nommé. Vous avez compris? C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. C'est le même nommé. C'est pas synonyme, ça veut dire que tel nom est égal à tel nom. Ou tel nom est égal à tel nom. Vous avez compris? C'est bien mafoum, hada. Taïb. Parce que Rahman, c'est pas Samir. Ah, etc. Synonyme, bi'atibar, c'est le même nommé. D'ailleurs. Hein? Comment ça, minjihatil a'la? Non, ici il te le dit Aousaf bi'atibar ma dallat alayh. Ensuite il te dit non, parce que mutaradif, le synonyme, ça veut dire quoi synonyme? C'est à dire tel mot, hein? Il veut dire que la même chose que l'autre nom. Est-ce que Rahman c'est pareil que Samir? Non. Bihada l'atibar là. Vous avez compris? Dans ce sens là, non. Ama bi'atibar, que c'est le même nommé, oui. Vous avez compris? C'est Allah qui a Samir, Asir, il a fait. Vous avez compris? Mafoum hada? Oui. Toi, va continuer. Dans le cas des qualificatifs, les noms d'Allah sont différents car chaque nom indique un sens particulier. Voilà, chaque nom indique un sens particulier. C'est ça que vous voulez dire. Mafoum? Donc, c'est une dhat, c'est un être qui est qualifié de plusieurs noms qui ont plusieurs ma'ad. Vous avez compris? Voilà. Ils indiquent tous un même nommé qui est qui? Qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun, on a dit que c'était des noms qui avaient des ma'ani, qui avaient un sens. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que Al-Mu'tazila, ils ont dit Allah il est Rahman, mais sans Rahman. Allah il est Sami' mais sans Sami'. Et on va le voir pourquoi. Au fur et à mesure, vous allez voir pourquoi. Au début, vous n'allez pas comprendre. Au début, c'est ils te donnent des règles. Mais c'est avec une règle que tu vas comprendre l'autre et que tout va s'assimiler. Vous avez compris? Au début, là, pour vous, pourquoi ils nous parlent de ça? Mais ils ont parlé de ça, c'est justement pourquoi on parle de ça. C'est parce que les Mubtadi'a, ils ont dit ça. Et vous allez le voir comme on va le voir aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. On a dit que cette règle-là, c'est-à-dire que A'lamun wa Awsaf, que c'était des noms propres et qui incombe également l'attribut, d'accord? Qui implique l'attribut, mais la description de ce nom propre. On a dit que c'était le cas pour qui? Pour Allah et pour qui d'autre? Et pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Quand on dit sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est Ahmed. Ahmed, ça veut dire Ahmed al-Nas, le plus loué. D'accord? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, ça, halala. Taïb. Qui s'appelle Muhammad, li kathrati mahamidihi. On l'appelle aussi Muhammad car il est énormément loué. Et c'est vrai ou c'est faux, ça? C'est vrai. Alors, regardez combien de fois on dit Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Donc, tous les noms qu'a le prophète, alayhi salatu wassalam, Hein, il a aussi comme nom Al-Mahi, Nabi Ur-Rahma, etc. Il a plusieurs noms. Tous ces noms-là, c'est aussi, il est décrit aussi par ces noms-là. Et c'est des attributs aussi au prophète, alayhi salatu wassalam. Amma les autres, à part Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam, les autres, par exemple, celui-là, il s'appelle Karim. Est-ce que c'est obligé qu'il soit Karim? Non. Ça se trouve, c'est un bakhil. Hein, ça se trouve, c'est un grand avare, ça, là. Ou Abdullah, ça se trouve c'est un Abd Shaytan, d'accord? Mais il s'appelle Abdullah, mais c'est un Shaytan. C'est possible ou pas? Sauf Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam. Fahimtum hada? Taïb, continue, inshallah, comme ça on relit la règle. En fait, toi, tu veux parler des kalimatayn, c'est-à-dire des deux. Quand on prend deux paroles, quand on prend deux mots en arabe, on avait ramené quatre points, ça, vous vous souvenez de ça? Taïb. On a dit le kalimatayn, ça c'est dans le sharh en fait. C'est pour ça que vous ne l'avez peut-être pas là. On a dit le kalimatayn, soit elles sont mutabayinatayn. Mutabayinatayn, ça veut dire qu'elles n'ont pas le même sens. Vous avez compris? Qu'elles n'ont pas la même nature et pas le même sens. Exemple, rose et le qamh. D'accord? Le rose, le riz et le blé. C'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose, le riz et le blé? Tout le monde sait c'est quoi le riz, tout le monde sait c'est quoi le blé. Ça, là, là. Taïb, c'est pas la même chose. Fahimna hada. Taïb, l'insan, Allah. La même chose? Abadan. Ça, là, là. Taïb. Thaniyan, le deuxième point. Afin que vous le reteniez, qu'il y a la liaison entre les mots, de parmi la liaison entre les mots, donc on a vu soit la séparation et que telle chose n'est pas égale à telle chose, soit elle est mutaradifatayn, synonyme. D'accord? Et on a mithal avec quoi? C'est quoi le mithal qu'on a donné? Hein? Al-bashar, al-insan, c'est la même chose, c'est le même nommé, c'est différents noms pour le même nommé. Là, dans ce sens-là, oui. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Dans ce sens-là, oui. C'est-à-dire que lorsqu'on dit Rahman, Rahim, Malik, Quddus, synonyme dans ce sens-là pour le même nommé. Oui. Vous avez compris, Inch'Allah, ça se dit. En arabe, ça se dit. Par exemple, vous avez Al-Qumh, Al-Qamh, Afwan, Al-Bur, Al-Hinta, tout ça c'est pour dire le blé. D'accord? Plusieurs mots pour le même nommé. Mais pas pour la même ma'na. Vous avez compris? Pour Allah, c'est le même nommé, mais pas pour la même. Hein, ma'na. Pour la même ma'na, afwan, pour le synonyme, c'est pour la même ma'na. Et ensuite, vous avez quoi? Vous avez le troisième point. Mushtarika. Mushtaraka, afwan. Mushtaraka, c'est une parole, c'est un mot, mais suivant le contexte, il va avoir une signification. Et on avait mithal avec quoi? Al-'ayn. Vous avez compris? Al-'ayn. Al-'ayn, c'est quoi? Ça peut être l'œil, ça? Ça peut être quoi? La source, ça peut être quoi? Le dhahab, l'or, hein? Hein? Naam, ça peut être aussi l'espion, quand c'est dans un contexte de guerre, j'ai envoyé un aïn là-bas. D'accord? Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc, suivant le contexte, on va savoir ce que veut dire hein, ce mot-là. Vous avez compris? Sharabtu min al-aïn, est-ce que ça veut dire j'ai bu de l'œil? Non, ça veut dire que j'ai bu de la source. Vous avez compris? Donc c'est suivant le contexte. Parce qu'une personne va me dire, oui, mais moi si je ne sais pas, ben, tu regardes le contexte justement. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïb. La quatrième forme de liaison qu'il y a entre les kalimates, c'est l'umum ou al-khusus. D'accord? Al-umum ou al-khusus. On avait donné l'exemple de hayawan natiq et de insan, et que tous les insan, c'est-à-dire tous les êtres humains, sont des hayawan natiq, c'est-à-dire des animaux qui parlent, tayyib, et que la seule chose qui joint l'insan et le hayawan, c'est le fait que tous les deux, c'est des hayawan. Sauf la chose qui va les séparer, c'est quoi? C'est le fait que l'insan parle. Exemple, hein, tu as aussi al-kufr. D'accord, vous connaissez c'est quoi le kufr? Kufr, c'est la mécréance. Sah? Et vous avez quoi? Vous avez le shirk. Le shirk, tu le mets au milieu. Là, il y a un point comme ça, shirk. Et le kufr, il est tout kufr. Non, afwan. Afwan. Le shirk, tu le mets comme ça. D'accord ? Le shirk, tu le mets en rond comme ça. Tout shirk est kufr. Ça ? Et le contraire ? Non. Ça, là, là. Il y a un khilaf entre les ulama. Il existe un khilaf sur cette question-là. Vous avez compris, ça, inshallah ? Mais on va dire que on ne regarde pas le khilaf ici dans ce contexte-là. Vous avez compris ? Taïb. Toute chose est telle chose, mais pas toute chose est telle chose. Et là, c'est quoi ? C'est al-umum ou al-khusus. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la alaqa, le lien entre le umum et le khusus. C'est bien compris, ça, inshallah ? Ça, pourquoi on vous parle de ces points-là ? Pourquoi on vous parle de ces règles-là ? Ça va venir. Vous avez compris ? Ça va venir, le lien entre les kalimates. Il faut absolument comprendre ça. Pourquoi ? Parce que les philosophes et les gens qui ont parlé dans l'asma ou sifat, ils sont rentrés par ça, par la terminologie des mots, par la liaison des mots. Vous avez compris ? C'est là qu'ils se sont trompés. Et toi, lorsque tout est réglé à ce niveau-là, tu ne vas pas pouvoir, tu vas pas te tromper. Vous avez compris, inshallah ? Tu ne vas pas te tromper. Mais faut, continue, termine, inshallah. C'est bon, maintenant, on a révisé ça. Khalas. Mais faut mettre les quatre points-là. Vas-y. Et pourquoi ils vous ramènent selon le consensus des gens de la langue, hein, de Al-Lura ? Ça veut dire que le Mu'tazila, ils ont khalaf, hein, ils ont contredit même le sens même des paroles. Vous avez compris ? Comment quelqu'un peut être sami' bila sam'a ? Alors que chez Al-Lura, tous ceux qui vont s'appeler sami' est forcément qualifié et décrit de sam'a. Vous avez compris ? طيب. Donc ils ont khalaf même Ahl al-Lugha. Hein, subhanallah. طيب. L'entendant sans lui. Voilà. Regardez. Sami' bila sam'. Vous avez compris ? Et ça, Zahma, c'est des grands savants, des grands scientifiques chez eux. Al-Sha'ira, Al-Mu'tazila, ils disent ces choses-là. Hein? Comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala. En fait, quand ils parlent de pluralité divine, ça veut dire qu'ils veulent dire que Allah, il y avait des créatures avec lui, hein, des divinités avec lui. C'est ça qu'ils veulent dire. Et ça, on va l'expliquer dans le prochain chapitre, Inch'Allah. Et ça, c'est faux. Et ça, c'est faux. Allah subhanahu wa ta'ala, sakata an ashiya rahmatan bikum. Allah s'est tu sur des choses par miséricorde. Est-ce qu'on sait toute l'origine de l'univers, comment il a fait en détail, etc. Ou est-ce qu'on connaît tout, hein? Il y avait des khalq avant nous, il y aura des khalq peut-être après nous. Là. Est-ce qu'on connaît tout ce qu'il y a ? Non, ça, on ne sait pas tout ce qu'il y a. Il faut connaître ses limites. La yus'alu anma yaf'al wa hum yus'alun. On ne questionne pas Allah sur ce qu'il fait. Et c'est plutôt nous qui serons questionnés. Hein? Hein, on ne questionne pas Allah sur ce qu'il fait. Ça, oulala. On ne dit pas est-ce qu'il y avait un khalq avec Allah, etc. etc. Là, toujours venir avec ces formes de questions. Et ça, on va en parler, Inch'Allah Ta'ala, aussi dans les autres doros. Donc, des fois, de temps en temps, il faut s'arrêter. À un certain moment, il faut s'arrêter. Hein? Comme il est venu dans le hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, dit les sahaba, d'ailleurs, se posaient des questions. Et ils sont venus voir le prophète alayhi salat wa salam et ils lui ont dit on préférerait mettre nos têtes, enterrer nos têtes sous la terre, hein, que de poser certaines questions. Et le prophète alayhi salam l'a dit, ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ. Ça, c'est la foi qui est claire. Il dit, إِنَّ الشَّيْطَانِ. Certes, le diable vient à vous et vous pose des questions. Il dit, il dit, regarde, Allah a créé cela. Allah a créé cela. Allah a créé cela. Et ensuite, il vient, il vous pose une question. Il dit, mais qui a créé Allah? Vous avez compris? Et il a dit, le prophète, alayhi salatu wasalam, là, tu dois sta'idh billah min shaitan rajim. Tu dois dire, a'udhu billah min shaitan rajim. Et tu dois réciter le verset, huwa al-awwalu wal-akhiru il-akhiru. Vous avez compris ça, inshallah? Et c'est ça qui fait aussi la grandeur d'Allah. C'est lui le premier. Laysa qablahu shay. Pourquoi toi, tu viens, tu dis, men khaliq, avant, est-ce qu'il y a un khaliq? Et après, il y a un khaliq, il y a un khaliq, il y a un khaliq d'un khaliq, a'udhu billah. Vous avez compris ça? Donc, ça, c'est des questions qui sont inutiles et qui n'apportent rien, qui n'apportent pas de bien, l'haqiqa. Sah? Et il faut savoir aussi une chose, c'est que se taire ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de vérité. Se taire sur quelque chose, le fait de se taire sur quelque chose, ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas une vérité derrière. Exemple, ton enfant, tu te tais sur plein de choses. Tu te tais, tu évites de parler avec nous de certains sujets. C'est vrai ou c'est faux? Pourquoi tu le fais? Parce que tu sais que si tu parles de ces sujets-là, ça va le perturber. Vous avez compris? Ça va le déboussoler, ça va le brouiller son esprit. Si nous, on est capable d'admettre ça, d'admettre cette relation que peut avoir le père et l'enfant, hein, qu'il peut y avoir ce genre de relation-là, sur le fait de se taire. Pourquoi alors l'insan, il cherche toujours à tout savoir et à avoir une explication à tout? Là, la preuve, c'est que eux-mêmes, les kuffars, le fait qu'ils se sont détournés des textes, le fait qu'ils se sont détournés des révélations prophétiques, regardez tous les tanakhodat qu'ils ont, regardez toutes les contradictions. Un coup, ils nous disent que c'est le poisson, hein, le premier. Un coup, ils nous disent que c'est le singe, c'est son père, le singe, hein, c'est pas notre père. Notre père, c'est Adam, alayhi salam. Un coup, ils nous disent que c'est la pierre. Chacun, il vient avec une hypothèse et une théorie à chaque fois. Et l'autre, elle annule l'autre, et l'autre, elle annule l'autre. D'accord? Nous, le fait qu'on s'est arrêté sur les révélations prophétiques, hein, on a suivi. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Ça, c'était une parenthèse sur... continue. Donc quand il dit que la riposte, ici elle est terrible, inna batcha rabbika la shadid, ça veut dire quoi? Il y a un acte ou pas? Sah la la? Il y a un acte ou pas? Et donc il y a un fa'il, c'est qui ici? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc il y a une sifa ou il n'y a pas une sifa? Donc il y a l'attribut, il y a la description d'un attribut ou pas? Oui ou non? Oui. Hein. Et comment connaître Allah que par ses attributs et que par sa propre parole? Comment vous voulez reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala que si lui-même se décrit comme cela dans le Coran? On ne peut pas le deviner tout ça. Ça, oh là là, on est obligé de revenir au texte. Amen. Il revient sur la règle, quoi, en fait, là. Il vous redit encore, pour un et seul être qualifié, qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Les affirmer, les qualificatifs comme tels, ne signifie absolument pas vouloir qualifier plusieurs divinités. Voilà. Il ne qualifie aucune divinité supplémentaire, ici. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, lui et lui seul. Il n'y a pas d'autre divinité avec lui. Mais ce sont les qualificatifs de ce qui est qualifié, faisant partie intégrante de celui contingente. Mumkin, yani. Ouais, vas-y. L'être est soit une entité qui subsiste par elle-même, soit une qualité qui se situe dans, dans une autre chose que lui. Que lui. À partir de là, nous savons que le temps n'est pas. Alors, ça, on avait parlé de quoi? Mumkin al-Ujud et Wajib al-Ujud. L'existence obligatoire et l'existence qui est possible. Mumkin al-Ujud. D'accord? L'existence possible, c'est l'insan. L'existence possible, c'est le soleil. L'existence possible, c'est la terre. Pourquoi on dit que c'est l'existence possible? Car il est possible qu'il ait lieu et il est possible qu'il n'ait pas lieu. Si Allah avait voulu, il l'aurait rajouté dans sa création. Et s'il avait voulu, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aurait jamais créé l'insan s'il avait voulu. C'est vrai? Donc ça veut dire que toi, tu es une existence qui est possible. Vous avez compris? Par contre, l'existence nécessaire, celle qui a fait vivre toute cette création, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ça, inshallah? Donc, maintenant, qu'on arrive à admettre qu'il y a une existence nécessaire, qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et une existence qui est possible. Si on arrive à admettre cela, les deux s'appellent comment? Les deux s'appellent comment? Existence. Ça? L'être humain est qualifié d'existant ou pas? Allah est qualifié d'existant ou pas? Naam, il est maujoud, Allah subhanahu wa ta'ala, à titre informatif. Allah existe, bien sûr. Ça, là, et ça rentre dans son tawhid. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que les deux existences sont similaires? Non. Vous avez compris? Pourquoi? Pourquoi alors le Mu'tazila, pourquoi alors il philosophe comme ça? Est-ce que vous comprenez maintenant? Et vous comprenez maintenant pourquoi on fait le lien des paroles et on vous dit bien que telle parole c'est synonyme, telle parole c'est pas synonyme, telle parole. Vous comprenez maintenant le lien qu'il y a entre les mots, on va dire? D'accord? Est-ce que en disant qu'Allah est existant, en disant que le serviteur d'Allah, l'être humain, il est existant, est-ce qu'on a fait un tashbih? On a fait une ressemblance? Non. Peut-être dans le terme, oui. Dans le terme en lui-même, oui, c'est une ressemblance. Mais est-ce que l'entité de cette existence-là et l'autre, est-ce que c'est les mêmes? Non. Vous avez compris? Allah n'a pas eu besoin. Allah, c'est lui l'awwal. Il n'a pas eu besoin de quelqu'un qui... On a dit ça, il ne faut pas le dire. Il faut dire « huwa l'awwal ». Parmi ces noms, c'est « al-awwal ». Mais l'être humain, il a eu besoin ou pas? Pourtant, il existe. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et cela n'implique pas une ressemblance. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et ça, c'est un rad aussi à ces ahbèches là, qui sont là, qui disent « Allah, il est partout et quoi? Et nulle part. Il existe, mais n'existe pas. » C'est pas un contresens, ça? Ce contresens, tu peux te l'imaginer où? Dans ton esprit. Mais est-ce que tu peux l'imaginer en dehors de ton esprit, quelque chose qui existe et qui n'existe pas? Est-ce que vous pouvez? Eux, parce qu'ils ne font pas la différence entre ce qu'il y a dans leur esprit et ce qu'il y a en dehors de leur esprit, d'accord, qui serait possible, parce qu'ils ne font pas cette différence-là et tombent dans ça. Vous avez compris, Inch'Allah? Ils le disent. Ils disent partout et nulle part. Ni il est dans le monde, Allah, ni il est en dehors du monde. Taïb, il est où? Hein? En vérité, si tu veux qualifier le néant, comme ils disent, les ulama, tu ne le qualifieras pas mieux que ces gens-là, le Jahmiya. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et vous allez comprendre dans les chapitres à venir, Inch'Allah, pourquoi ils disent ça. Vous allez comprendre, Inch'Allah. Continue. Le temps, chronologie, et moi je suis le temps. Son cas est dans ma main, j'alterne la Donc, dans ce terme-là, ad-dahr, c'est un mot qui est un dérivé, c'est ça? Comment il l'a dit? Ism jamid? Hein? Un dérivé, c'est ça? Un dérivable, afouan. Un dérivable. Ça? Taïb. Dérivable, indérivable. Ça, faut le comprendre aussi. Il y a l'ism en arabe, le jamid, et il y a l'ism al-mushtaq. Al-mushtaq, c'est le dérivable. Ça veut dire, de Rahman, on prend la Rahma. De Sami, on prend le Sam'a. D'accord? Ça, c'est mushtaq. Mushtaq, et bima'na, yu'ukhadh minhu sifa. On prend de cela une sifa. Ce nom-là, ici, dahar, c'est quoi? C'est un ism jamid, en arabe. Ism jamid, indérivable. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, ça, Inch'Allah? Taïb. Comme, par exemple, une pierre. Tu peux prendre quelque chose du mot pierre? Quelqu'un de pierré, tu peux dire ça? Hein? Tu peux pas dire ça. Ça? Ou il a pierré quelqu'un? Tu peux pas dire ça, vous avez compris ça? Il faut bien comprendre aussi ça. Taïb. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors, il y a les mots qui sont dérivables et d'autres qui sont indérivables. Le mot qui est indérivable, on peut pas dire que c'est un nom d'Allah. Vous avez compris? Parce qu'il n'y a pas de sifa derrière. Donc, en lisant le hadith, subhanallah, en lisant le hadith, l'explication, elle est dans le hadith. Wa uqallibu al-layla wa an-nahar. C'est moi qui fais alterner le jour et la nuit. Donc, quand Allah il s'est appelé Ad-Dahr, quand il a dit je suis Dahr, parce que c'est pas un de ses noms, d'accord? Quand il a dit je suis Dahr, c'est dans ce sens-là. C'est la fin du hadith qui explique le début du hadith. Est-ce que vous avez compris ça, Inch'Allah? On ne peut pas attribuer le nom. Et on a dit qu'il y a une personne qui attribue ce nom-là. C'est qui? Ibn Hazm. D'accord? Ibn Hazm, lui, il a dit que Dahr, c'était un des noms d'Allah. Et on a dit que Ibn Hazm, il était Jahmi dans les sifat. Hein? Il était Jahmi, comme le dit Abdel Hadi, un des élèves de Sheikh al-Islam, comme il l'a qualifié. D'accord? Et on vous avait expliqué c'était quoi et la différence, enfin... Ibn Hazm, il aurait dû être plus souple dans le fiqh plutôt que d'être dur comme il était dans le fiqh. Et dans les sifat, par contre, il aurait dû être dur dans ça, hein, et bien sûr affirmer les attributs et les noms plutôt que de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire attribuer les noms sans les attributs. Est-ce que vous avez compris ça, Inch'Allah, les frères? Taïb, est-ce qu'elle est bien comprise maintenant cette règle? C'est bon, on peut rentrer dans la troisième.